êtes dans la zone 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bon retour, Stéphanie Paradis. Ça fait deux semaines de suite qu'on t'a pas vu. Ça fait donc trois semaines qu'on s'est pas parlé. Hein. Ouf, c'est pas évident. Oui, dur de remettre les fesses sur la selle, comme on dit. Là, tu parles la selle de cheval. La salière. Qui va sur le dessus du cheval et non de ce qui tombe en... En arrière du cheval. Ouais, c'est ça. Genre. Je déteste le mot selle. C'est vrai que c'est pas beau. C'est à cause du kéké. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir évidemment nos chroniques récurrentes comme Palmer Rest in Peace, un instant classique, C'était fou, ailleurs dans les palmarès, tout ça pour les trois prochaines heures. On va savoir d'ici la fin, c'est le numéro 1 anglophone, c'est toujours Pie Pie avec Pagan Day. Et du côté francophone, Squelette de bois de Jacques Maure. Mais pour l'instant, on va débuter avec un bloc de nouvelles entrées. On a tellement de nouvelles entrées aujourd'hui, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais moi, je suis contente que ça arrive toute cette semaine. Comme ça, je vais moins avoir l'impression d'être perdu, d'avoir manqué des événements. C'est ça, parce que plein de nouvelles entrées qui ont fait leur arrivée, puis qui leur entrée. Comment est-ce que je parle aujourd'hui, les semaines passées, et tu les reconnais pas? Hein? Ben non! Le palmarès est renouvelé. Donc, commençons avec un premier bloc, les 20e places en anglophone, Kaiser Chiefs. Et de retour avec Education, Education, Education and War. Leur pièce s'appelle The Factory Gates. Et du côté francophone, on s'en va entendre immédiatement Ma Grande Gueule de Mordicus. Ah oui? Ça sonne comment, ta grande gueule? Ça n'est pas l'air assez fou. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai ta place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là où les rêves deviennent réels. Dans ma grande gueule, on s'en va découvrir. the train. All aboard for the labor exchange. Run behind yellow cellophane. My mind is running away with everything I ever learned. Comes knocking at my head. What you thought was way too much is not enough. They tell you day after day to make your way through the factory gates. Once you make out the factory floor, you take straight to the company store. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Bien des gens pensent que le mariage c'était bon dans le temps que le monde crevait. À 35 ans, ça durait jamais trop longtemps. C'était à l'époque où quand quelque chose cassait, on le jetait pas, on le réparait. Aujourd'hui, le gros défaut, on se marie pour la photo. On reçoit deux toasters en cadeau qu'on garde en coccyx so-so. Le contrat est déjà signé pour le jour où ça va planter. Pour pas avoir à s'ostiner sur qui va garder la TV. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle me demandera jamais de choisir entre elle pis ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'suis un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité. Me signe tout un contrat avec une clause de non-échange pour son club en reconstruction. Je suis son joueur de concession. On a une équipe de champions. C'est ensemble qu'on est invincible. Que la route nous paraît moins longue. Que soudain tout devient possible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle ne demandera jamais de choisir entre elle pis ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nouvelle entrée. How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Can I bump my head on the same shelf? How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Jump a moving train, I'll chase hurricanes. Just watch me turn around the room. Skip the names, head straight to the games. Oh baby, fly away, I'll hurt you too. Pascal Picard et Paper Planes, nouvelle entrée en 19e place sur l'album All Things Pass. Les trous des francophones en 19e place, c'était Je m'engage de Pépé et sa guitare. Avançant en 20e anglo, nouvelle entrée de Kaiser Chiefs et de Factory Gates. Et on a débuté ce grand bloc avec Ma grande gueule de Mordicus. Un petit peu partagé sur Pascal Picard qui vient de jouer. Moi, j'adore ça, je trouve ça super original. Toi, t'es pas certain. Mais en fait, j'ai jamais vraiment trippé sur Pascal Picard en général. Okay. Mais je sais pas. Je suis pas sûre d'accrocher. Je la trouve charmante. La demoiselle est très charmante. Oui. Ça, je peux pas contredire ça. Moi, je penche plus du côté anglophone. Je préfère Kaiser Chiefs à Pépé, sa guitare et Mordicus. On dirait que ces deux pièces-là, Pépé, sa guitare, Mordicus, mais pas convaincu. Il va falloir plusieurs écoutes pour les apprivoiser. Ah, c'est sûr que Petit Pain Kaiser a volé mon cœur. Les chefs des Petits Pains Kaiser. Exactement. Il nous reste encore tout plein de nouvelles entrées. Je l'ai dit, il y en a 10 en tout. Donc, on va être rendu au bloc 17-18. Sauf qu'il y a un intrus. C'est le numéro 17 anglophone qu'on va sauter parce que c'est pas nouveau. C'est des sortes de 5, c'est Badder et Pretty Face. On va entendre dans le bloc Radio Radio ainsi que Royal Canoe. Mais on commence bien entendu en 18e francophone et c'est La Fatigue de On a créé un monstre. Ah, ça, c'est moi, je suis tellement fatiguée. Oh, pour vite! Oh, ben, ben beau comme ça. Don't wanna really see. slow hands, side to side, fingers burrowing below. Who'll draw fire from the moon? Who's the first to fly? So why, how long can we put it off? Pay attention, no one's really swimming anyway. Someone's talking in a regular way. I'm forgetting what to say. Jump up, jump up, jump up. We show such a tonight. Ich will, Fifty Shades of Beige. So say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. C'est la happy gris, slide passant pour la vie. C'est que je porte, ça que je dis, pas besoin de jubilee. Peace, c'est le pantone, ça qui me jette à la zone. Cool, que c'est king, cool, beige, t'es mon trompe. Never mind, le black on black, nous c'est le beige. Le beige en beige, puis le beige en beige. Bright, beige, light, beige. So dis-moi quoi tu portes quand je suis fini de beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. 50 shades of beige, fais que 50 shades of beige. Je suis un beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur du long age. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur que je porte sur stage. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur de ma Facebook page. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est ma couleur puis la couleur don't age. Tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's beige out. Cause que je feeling it beige. Il faut que tu beige pour te rendre mit beige. C'est ça que beige, porte du beige. Suck it best, c'est ça que beige. Beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, out, cause you're feeling it bad. You fuck too bad, put it on the mid bad. It's suck it bad, bad. Rainbow beige, rainbow beige, beige la couleur du new age. Rainbow beige, rainbow beige, 50 shades of beige. Je pense qu'ils ont nommé les 50. Hein? C'était 50 Shades of Beige par Radio Radio, 17e position francophone. Et on a sauté par-dessus la 17e anglophone qui était Pretty Face de Ballader. Mm-hmm. Avant ça, en 18e franco, on a entendu. On devrait y aller dans l'ordre qu'on fait d'habitude, je pense. Hein? Où est-ce que je t'ai rendu? 18e anglo. Oui, Royal Canoe et Just Enough qu'on a entendu. C'est la dernière nouvelle entrée du côté anglophone. Et en francophone, en 18e place, c'était La Fatigue dont on a créé un monstre. Ah. Es-tu fatigué, Mathieu? Toi? Moi? Oui, les journées sont longues, je dis. On fait le matin et l'après-midi, c'est comme ça. On est fous de même. On est fous de même. Ah, c'est assez fou. C'est ça, c'est pas pour rien. Hein. On va faire maintenant les 16, 14 et 15. Par contre, en anglophone, on a terminé les nouvelles entrées, donc on va sauter par-dessus Sexy Mathematics avec Winter qui descend de 3 places. On saute par-dessus Haim avec sa pièce Falling en 15e. Et finalement, en 14e, ça aurait monté d'une place Took It From Me de Dear Criminals. Donc, on va entendre en francophone plus tard Hôtel Morphée et Edgar Bory. Mais on commence avec la 16e francophone Poisson d'Avril de Canaille. Ça en fait du nouveau stock, ça, là. Je suis pas capable de gérer ça. Ça doit être une joke. Poisson d'Avril. C'est les palmarès, c'est fou. Non, c'est pas vrai, c'est... Non, oui, c'est vrai, par contre. C'est ah non, ça, c'était vrai. Ouais. Les pieds pognés dans la même botte de skidoo. Je peux plus bouger, je peux même plus sortir de chez nous. saison, la chasse a commencé. Je baigne dans l'eau gonflée depuis que le courant a lâché. Puis je pense que la glace va m'empêcher. Nouvelle entrée. Ne me quitte pas, avec le temps va, tout s'en va. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Oublier ces heures qui tu es parfois, à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, avec le temps. T'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tout va bien. Avec le temps, je ne vais plus pleurer. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Et l'on se sent blanchir comme un cheval fourbu. Et l'on se sent tout seul peut-être par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, ne me quitte pas, on n'aime plus. Vous êtes dans la zone 89.1. 14. Nouvelle entrée. Et si on partait ensemble pour de vrai, si c'était vrai, et si c'était la fin de tous nos décombres, est-ce qu'on attendrait un autre jour, une autre journée pour tout faire marcher? Morphée, dernier jour, la dernière nouvelle entrée du côté francophone en 14e place. Et toujours du côté francophone en 15e, c'était Brel Ferry d'Edgar Bourgui. Et on a débuté avec Canaille en 16e place, nouvelle entrée Poisson d'avril. Alors, on a sauté par-dessus les 14, 15 et 16 anglophones. En 16e, ce serait Sexy Mathematics et Winter qui descendent de 3. En 15e, Falling de Haim. Et finalement, en 14e place, Dear Criminals et You Took It From Me, voilà, qui monte d'une place. Étant donné qu'on a terminé les nouvelles entrées, c'est le moment de dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés sauvagement. Comme les gens qui disent pas bye avant de s'en aller, c'est comme juste, OK, ben je m'en vais. On va leur dire, nous autres, bye. Palmer, rest in peace, man. Crain dans ta face. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Quand la neige fondra en mai. chacun son esquive. Chacun sa trêve. Ha ha ha ha. Comme un cannibal, freak comme un animal. Comment on est spiel zoo? Comment on est spiel zoo? Yeah, comment on est spiel zoo? Comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on est spiel zoo? Comment on est spiel zoo? Yeah. Pendant que Mercure monte et que les glaciers fondent, quand je voudrais brûler, je demanderai. So let the sunshine crash on all your private parts, and if the dogs in the end embrace the bar, let's make a rendezvous and turn the lights down low. We need a cheap bonus and the trumpets blow. Got a combo of lights on the cheap surface, promises on the base of your teeth. Combo of lights on the cheeks of your face, will you take what you will receive? Some people are ghosts too soon. Some people are ghosts on time. Turning into light through the darkness. I said, no, it's not so dangerous. Je voudrais pas dire bye-bye, je pense que c'est les grandes gueules qui disaient ça. Dominique et Martin, je sais plus trop. Bref, peut-être aussi, c'était Palmer's in Peace, donc des pièces qui ont quitté les palmarès depuis l'édition du 31 mars au 6 avril 2014. On a donc dit au revoir à Pépé et sa guitare et sa fabuleuse pièce Sapu qui est restée pendant 9 semaines, mais c'est déjà de retour sur le palmarès, c'est donc pas trop fan. De peine. Je pense que t'aimes vraiment beaucoup Pépé, t'as vu sur Tabou ton amour à chaque semaine. Ah oui. Bon. Et ensuite, Mono Grenade et Métropolis qui a duré 8 semaines. Ensuite, Auguste et 3 jours en hiver, 8 semaines aussi. Miss Gaïen Club et Chacun son arc-en-ciel, 6 semaines. On a créé un monstre et sa pièce Talangue Sarre qui est restée 7 semaines, mais c'est déjà de retour sur le palmarès aussi. Tellement radio, radio et Ash Feels You qui sont aussi de Caroline. Toi, tu dis tellement mieux que moi. 9 semaines et eux aussi, Radio Radio, sont de retour. Ensuite, on a dit au revoir à Mordicus et le Roi Soleil. Et ça aussi, c'est de retour sur le palmarès avec Ma Grande Gueule. Mais là, c'est le Roi Soleil, c'est 9 semaines. Bon, c'est ça, ça fait assez de soleil hein, ici. Pour besoin de ça, on va prendre un autre 8 mois d'hiver. Ensuite, il y a eu Marc Bérubé et Carnival qui a duré 8 semaines. Ensuite, Sébastien Granger avec Some People Are Ghosts Too Soon. 6 semaines. Et finalement, The Royal We et Siren Song, cette semaine. Gros bloc, Permanence in Peace. C'est pour ça que ça passait vite, parce que les extraits, c'était des 20 secondes ou des 35 secondes, comme je faisais d'habitude. C'était de comme schlac à schlac, fouic à fouic, que tout le d'un refrain. Coup. Voilà. Donc, Permanence in Peace, on fait ça à chaque fois, à chaque semaine, pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Voilà. Maintenant, on doit sauter par-dessus quelque chose parce que la fin de l'heure approche. On va sauter les 13e et 12e francophones. En 13e, on a entendu Comme des rames de Club Elgag. Et en 12e, La pornographie de David Giguère. On va entendre les 13 et 12 anglophones plus tard de Darcy's et Horses Fell qui montent de 8 places de nouveau la semaine passée. Mais on commence, bien entendu, en 13e anglophone. Ça monte de 1, c'est Me and I de Unknown Color. Oh, pas mal, c'est fou. Juste vous tous et nous. It's you and us. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? Oh, myself. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. The Darcy's et Horses Fell, c'était nouveau la semaine passée, maintenant c'est en 12e place anglophone. Et en 13e anglophone, c'était Me and I de Unknown Color, c'était sa 3e semaine. Tout à fait, on saute par-dessus les 11e en anglophone, on aura entendu Gramercy Riffs et Desire Trails. Et en franco, Jimmy Hunt et Marie Lébleu. Voilà. C'est la fin de cette portion New Shit des Palmarès Sifo. On vient avec la portion Top 10 tantôt. Donc les positions 10 à 6. 10 à 6. 10 saucisses cuites. Surette. Hey, c'est un jeu des zigotos, ça, je pense. Les 10 saucisses surettes, ça me dit rien. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. C'est la deuxième heure, la portion top 10 des Palmarès Sifo pour la semaine du 7 au 13 avril 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On va commencer avec les 10e positions dans quelques instants, mais tantôt, n'oubliez pas, là, après les deux premiers blocs, comme le veut la tradition, c'est un instant classique qui s'en vient. Oh! Oui, un bon petit 8 minutes des meilleurs moments d'assemblage requis. Je pense que le mercredi, c'était pas mal la journée gagnante. Ah oui. C'est bien ce que tu me disais. Un gros total là, de un moment correct. Correct. J'étais seul mercredi, il était correct. En fait, c'est une blague que j'ai déjà fait hors ronde, donc ce sera même pas du nouveau matériel pour toi. Oh, OK. C'est une de mes nombreuses bonnes blagues de ma vraie vie que j'ai amenée à la radio. C'est toujours mal amené. Toujours. Soit dit en passant. C'est toujours plus drôle dans la vraie vie. Pas mal, ouais. On n'est pas des... comment dire? Je ne suis pas un bon acteur. Oui, voilà. Position numéro 10, du côté anglophone, c'est Broken Bells qui descend de 5 avec Holding On For Life. Et ça descend de 1 du côté francophone, c'est Palais de Mélamine de Mardi Noir. Faut pas m'arrêter, c'est fou. J'ai de la misère avec mes M. J'ai le rhume, hein? Le rhume. Rhubarbe. Palais de Mélamine. take a seat. Rest your weary bones. The secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Broken Bells et Holding On For Life qui descend de 5 places en 10e anglo. Et de côté francophone, et c'était Pelle et demi la minute de Mardi Noir. Dans quelques instants, ça va être les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est une bonne idée, ça. C'est ça, ça va nous changer les idées un petit peu. Des bons moments de même comparé à juste là, on joue de la musique, on parle quasiment pas, on n'a rien à se dire. Ben non. Ça se peut dessus, une émission musicale. Il fait bien ton micro bleu. Ben, toi aussi, pareil comme le mien, en fait. Merci. On est rendu frère et sœur de mousse. C'est bizarre comme expression, je trouve. On dirait qu'on a fait un pack de mousse de nombril. C'est quoi, je prenais ma mousse de nombril avec ta mousse de nombril, puis là, on faisait comme « Ah, pack de mousse à la vie, à la mort! » Là, on se twist la mousse de nombril. Oui, il faut voir l'image de la main de Steph. Tu twists une mousse de nombril imaginaire, parce que j'en ai pas. Caméra 3, pour montrer ta mousse de nombril, non. Mais non, j'ai pas tant de mousse de nombril. Non, le micro magique ne capte pas l'image, malheureusement. Ah, il est pas si magique que ça. Ben, il fait presque tout, mais pas ça. Il fait presque tout, genre capter les sons. Oui. Et ouais, c'est ça. C'est pas mal tout ce qu'il fait, c'est un micro. Il fait tout. C'est ça, il est magique, mais c'est un micro. Là. C'est ça. Demandez-en pas trop. Prochain numéro 9, du côté anglophone, c'est Rebecca Higgs et Loneliness qui montent d'une place. Et du côté francophone, ça monte de 11, c'est les vieux zibous. Non, c'est les vieux hiboux de Catherine Leduc. Ouais. On va dire salut. Salut, micro magique! Hey, Catherine Leduc, là. Ouais. C'est-tu la fille dans la tricot machine? Oui. cool. Ben non, mais je me trouve cool de le savoir. C'est ça pour vrai? Oui, non, c'est vraiment elle. J'ai pas de mairie, j'ai eu un communiqué de presse aujourd'hui. Il y a la moitié de sa face sur la couverture. Ah ben ça me dit pas grand chose. C'est la moitié du bas. Mais oui, elle est cachée. Elle est à l'ombre. Il neige sa pochette. C'est un bruit de malaise. C'était l'effet sonore de malaise sur ma console ici. J'appuie sur le bouton malaise.

Bref, assemblagerequis.com pour les précédentes capsules et pour les balado-diffusions, les notes de l'émission d'Assemblage Requis à l'épanouissement. C'est fou les autres. On est rendu au 8e place. Du côté anglophone, c'est Candle et Demon qui descend de 5. Et ça monte de 7 du côté francophone et c'est Fais-moi mal de Simon Kearney. Au palmarès, c'est fou. Aïe, ah, quoi? Kinky. KST. C'est Kinky Sex Time. KST. C'était drôle, celle-là. C'est une des drôles. Ah, mais ça. Une des seules drôles. Des 8 minutes. Fais-moi mal encore. Ah, je l'ai. T'as gagné déjà. J'ai plus peur de partir au loin. Fais ça vite, oublie le sac à main. Fais-moi mal encore. Griffe-moi le dos, arrache-moi la peau. Enlève-moi, je suis bien mieux chez toi. Fais-moi mal, nourris l'animal. Attache-moi, je te jure. C'était Candle et Demon qui descend de 5 en 8e anglo. Et ce côté francophone, c'était sa 6e semaine. Fais-moi mal de Simon Kearney. Aïe, aïe, aïe! Comme une chandelle qui se toucherait du bout de tes doigts. You know, Candle, you know? Tu brûlerais le bout des doigts. Ouais, attends. Mais là, c'est pas les numéros 1, fait que tu te calmes. Ah, c'est vrai, les numéros 1 avec les célèbres jeux de mots dans à peu près la moitié de l'émission, donc dans 1h30 environ. Tantôt, les Hey Babies et Jobin en 7e place, mais... Bon, ben, dans le fond, c'est là que ça va être ça, là. Mais je voulais dire que tantôt, il va y avoir C'était fou. Pas là. Ah, OK. Tantôt. Pas maintenant, là. Tantôt. Non, tantôt. Ou là? Non, on va retourner en 2009, en fait. C'est comme précédemment. C'est déjà passé. Jadis. La guerre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Tantôt, Jobin, Take a Ride, c'est pour compenser pour la pièce francophone qu'on va entendre que je sais d'avance que tu n'aimeras pas. Ah, OK. C'est ça. Fait qu'on s'en va entendre un fil de téléphone de les Hey Babies. Bon, pas mal, c'est fou, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour peut-être vous. On sait pas. Hey, on est au Texas. Yeehaw! Benjo! Jeudi passé, encore la même histoire. Ça, je t'ai promis, quand tu réservais un soir. Can you be there? want to make my way, but I fall on my love. Can you teach me how to shut my pain? Can you help me, even if it is vain? I bleed slowly. Can't you see it's a crime? If you leave me, can you be there for me? Can you be there right now? Is it too late to start over? Stable en 7e place, c'est Take a Ride. Ça fait 7 semaines que cela. Tu l'as dit, c'est 7 semaines chanceuses. Ben oui, 7-7-7. 7-7-7! Et du côté francophone, c'était Phil de téléphone de les Hey Babies qui montait d'une place. Tantôt, on aura au moins une pièce de Tokyo Police Club pour terminer l'heure, mais avant ça, on recule en arrière à une semaine du passé. Là. C'était fou! Cette fois-ci, on recule à la semaine du 3 au 9 avril 2009. En premier lieu, on va fermer les rideaux, barrer la porte et on va monter la radio. Une paire de jeans à des sous-vêtements dentaires, comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Oh! C'était fou de cette semaine. On est retourné la semaine du 3 au 9 avril 2009. On a entendu au début du bloc Mimi Van Der Glo, formation locale, la pièce 4 pas sur l'album Radar. Ensuite, numéro anglophone, Red Jumpsuit Apparatus et You Better Pray sur l'album Lonely Road. Et on vient de terminer avec une des pièces que j'ai préférées. C'est une pièce bonus que j'ai choisie moi-même. Donc, Plagia avec Beautiful Explosion sur la compilation Québec émergent 2008-2009. J'aimais vraiment beaucoup cette chanson-là. C'est ce qui a meublé une bonne grosse partie de la première année d'Assemblage Requis. Cette chanson-là, je l'ai jouée souvent. Ailleurs, dans cette même semaine, il y avait aussi Chinatown, qu'on connaît bien, Antoine Graton, Marie-Pierre Arthur, Mme Jube, La Patin Rose, Le Couleur, Le Roi Poisson, Winter Gloves. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le reste en anglophone, il n'y a pas grand-chose. J'en dirais même pas un autre. Voilà, c'est temps. C'est ça. Donc, c'était fou pour la semaine du 3 au 9 avril 2009. On fait ça chaque semaine au palmarès. C'est fou. Ben, quand même! Ouais. J'ai bien aimé ce petit combo. Ouais. On n'a plus tellement de temps. Seulement une pièce va rentrer pour cette fin de deuxième heure. Donc, on saute par-dessus la position numéro 6 francophone. On saute par-dessus la 6 francophone, effectivement. C'est Brody Day, ça demange l'ours mange. On va entendre Tokyo Police Club qui monte pas mal beaucoup de la 19e place à la 6e. C'était une nouvelle entrée la semaine passée et elle est vraiment bonne. À ta bouille! J'ai hâte d'entendre ça. Ah, bravo à ta bouille, Tokyo Police Club! Un beau petit club solo, j'ai des petites frites. Petites frites. Non, pas de frites, Mathieu! Ah, s'il te plaît! I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. With you. Donc, pour les slabs, Miss Ribble, ça monte de la 19e place à la 6e anglophone. Nick Collin, que je tripe dessus. Comme je le disais, à ta boy. À ta boy, bravo. Petit club, juste un petit peu de frites. Juste un petit peu de frites. Non. Un club, t'as que pour les slabs sandwich, non? Non. Okay. Allons, hey, pas de bacon. D'accord, bon, ben parfait ça. Un club sandwich, pas de bacon, man, c'est de te faire avoir à 100 000 $ C'est un sandwich au poulet. On revient dans quelques instants avec la portion top 5 des palmarès. C'est fou, restez avec nous, s'il vous plaît, OK? Les petits poulets, restez là, les petits poulets. C'est ça, ça vient avec un petit peu de salade de chou. Les palmarès, c'est bon, ça. Les palmarès, c'est chou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Somme qu'on vient juste de se parler, hein. Comme deux minutes à peine. C'est les palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 avril 2014. C'est la portion top 5. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on s'approche du numéro 1 de chaque côté. On rappelle que du côté anglophone, c'était Pai Pai la semaine passée avec Pagan Day. Et du côté francophone, c'était Squelette de bois de Jacques Maure. Il reste seulement une heure avant de le savoir, un petit peu moins d'une heure en fait. On va commencer avec les 5e places. Du côté anglophone, c'est Pine Tarts et Young Summer qui montent d'une seule place. Et du côté francophone, ça monte de 5. Je fais ça avec une main au complet. 5. Ah. Ma haine de Ariel. Au palmarès, faut que tu dises 5? 5? Question? Je comprends pas! Une réponse franche, ma phrase qui tranche, sans peur, sans gêne, ma haine. Ma haine! Un masque blanche qui me démange, à l'arrière-scène, ma haine. In the sunshine of heaven, of a young summer, I Young Summer. C'est bon. Ben, je sais bien. Hey, tu me prends rien, là. Dis-moi quelque chose que je sais pas, là. Hey, c'est moi qui t'ai appris ça, l'existence de Pine Tarts. Exactement, c'est pas avec la pochette qu'ils ont là qu'on aurait remarqué le groupe. Et du côté francophone, c'était Ma Haine de Ariel. Ben oui. Toi aussi, c'est bon. Tu voulais-tu le savoir? Ben oui. Parfait, je te l'ai dit. Ben merci. On est là pour ça, donner de l'information avant et après les pièces. C'est pas mal juste ça qu'on fait, finalement. Prochain numéro 4 du côté anglophone, c'est Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Two Vikings qui monte de la 11e. Et du côté francophone, ça descend un petit peu de 2. C'est Les courants d'air de Marc-Antoine Larche. Ah, tu sais, c'est comme le marée haute, la marée basse, mais de l'air, là. Ben, tu sais, vu que c'est une arche, tu sais, il pogne le courant facilement. L'arche Marc-Antoine Larche. Oui? Ouais. L'arche de Noël? Oui. C'est pas mal assez fou, là. Moi, oublie ça, là. Je suis stické sur le Noël, là. No way. No way! Dans ton lit trop grand, toi de côté, moi de l'autre, une falaise entre nous. Chaque étreinte est un risque de chute, et c'est moi qui veux tomber. Dur à la lune, j'ai les yeux ouverts, je ne dors pas. La nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? De la chaleur. C'était Lederhosen, Lucille et Christy Muir avec la pièce Two Vikings en quatrième position anglophone. Et du côté francophone, c'était les courants d'air de Marc-Antoine Larche. Ouais! Un bon petit bloc très rapide, très performance. Là, directement... Dans les veines. Dans les... Ouais, OK. Moi, j'ai du bar plus sexuel, mais ouais, dans les veines, comme de la drogue. Hein. C'est ça, t'es une droguée, c'est ça que tu veux dire, hein? Alors, on est rendu aux troisième place tantôt. Ce sera ailleurs dans les palmarès. On va faire un petit survol de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Hein, c'est le titre. Ce qui se passe dans le top 5 musique du monde, top 30 des albums, etc. Mais avant ça, on est rendu donc aux troisième place. En anglophone, c'est Piff Paff Hangover et 12 Pack qui montent de une. Et Piff Paff, là, qui va être en spectacle, ce samedi, au Trou du Diable, à Shawinigan. Je crois que c'est exact. C'est que, wow, allez voir ça. Et... Du côté francophone, en troisième place, ça monte de 4. C'est sa septième semaine déjà. C'est Perle rare d'Alexandre Desilets. On écoute ça tout de suite au Palmarassif. Balaye les fonds pour un bout de liberté, ma perle rare. Tu cours après le plan et toujours au nom de l'amour, tu es décidé à te laisser. Emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. On te promet le monde, mais tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que tout ce à qui tu ouvres les bras. J'ai 100 000 raisons, t'en prie, écoute-moi. 3. C'est la pièce 12-pack. Ça monte une place en troisième anglo. Et du côté francophone, c'était Perle rare d'Alexandre Desilets. Tantôt, il y aura Jacques Maure et The Pack Eddy. Mais avant ça, Steph. Oui, Mathieu. C'est ce qui nous amène ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas chanté ensemble, Steph. Est-ce que tu l'as fait tout seul? Non, je fais jouer la version préenregistrée de nous deux. Ah, t'es poche. Ouais, je suis un petit peu poche, mais je me suis dit ça va être encore plus poche si je la chante moi-même. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone. Les palmarès, c'est fou. C'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, le top 10 salaires, le top 5 musique du monde. Que dirais-tu, Mathieu, qu'on commence avec le top 30 des albums? Mais... on a deux nouvelles entrées, t'as pas le choix. En 20e place, c'est Kaiser Chiefs avec Education. And War. En 19e place, c'est Pascal Picard et son album All Things Pass. Ensuite, on passe au top 3, toujours dans le top 30 des albums. En 3e place, ça fait une montée de 1, c'est Piff Paff Hangover avec Curry Love. En deuxième place, c'est stable de Pakidi avec Do Not Engage. Et finalement, le numéro 1 qui est encore stable, c'est de sa 9e semaine, Pai Pai avec Pig and Day. Ensuite, dans le top 3 des disques canadiens, en troisième place, ça monte aussi de 1, c'est Pif Paf Hangover avec Curry Love. En deuxième place, hey, pour une 13e semaine de Pakidi, Do Not Engage. Et finalement, le numéro 1, Pai Pai avec Pig and Day. Non, c'est pas mal pareil comme le top 30 des albums, le top 3. Ça ressemble à ça. En passant, Curry Love, là, c'est l'amour du curry, là, l'épice. Curry, du curry, c'est du curry, non? Fort probablement. Eh bien, c'est spécial, ça. Top 10 Loud, maintenant, on va leur demander en spectacle aux Anna. Mais ça doit être aussi le plat qu'on appelle le curry. Ouais. Le curry. T'as un curry, ça fait avec du curry, oui. Du curcuma. Curcuma. C'est très bon. Exactement. Et j'ai dit Zenob, mais c'est Trousse du Diable. Bref. Pour le spectacle aussi. De Pif Paf Hangover, juste pour me rattraper. Il y a pas de. Oui, non, il y a une nouvelle entrée. Carlin, ça commence mal. Dans le top 10 Loud, il y a une nouvelle entrée, mais elle est au sommet, donc on va commencer par le top 3. Le numéro 3, c'est l'ancien numéro 1, Mayen avec Antagonize. En deuxième, ça monte de 2, Benighted avec l'album Carnivore Sublime. Et en première, c'est nouvelle entrée, donc la compilation Ronnie James Dio, This Is Your Life de la compagnie Rhino. C'est directement au sommet que ça entre. Dans le top 5 musique du monde, une nouvelle entrée. En cinquième place, c'est Amari C. Amari featuring Gavrish Borky par Les Ogres de Barbac et Sokolom, voilà. Troisième place, c'est stable de Soundmaker, pièce de Rodrigo et Gabriela. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, la pièce Monsieur Piment de Montréal Guitar Trio. Et finalement, en première place, ça monte une Waits par Dead Combo sur leur album Bunch of Meninos. Mais moi, j'ai choisi de vous faire entendre la seule que j'ai pas nommée dans ce paquet-là. Ah? C'est la quatrième. T'sais, pour faire différent un peu. Donc, on va entendre Kalas Bonus Track par Yasmine Hamdan tout de suite. Hamdan? C'est Manolo? Caméra 3. C'est Manolo. Puis on revient à la caméra principale. Ce gag-là est tellement passé date, on l'a fait mille fois. C'est jamais passé date, Hamdan. J'avoue. Yasmine Hamdan. Ma fille. Ou pas Marassi. Hadis. Oui, j'ai. Taïs Diano Kif Renissel B.I. Habus Ma fi Hadis Lashul Hadis Renissel Ah, et en plus, il y a un générique à la fin. Je me disais, la chanson finit vite, mais en plus, il reste comme 30 secondes d'absolument rien dans la vidéo. Donc, c'est Yasmin Hamdan avec Halas, qu'on vient d'entendre. C'était dans la section... Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. On n'est pas sur la même... Mais c'est toi qui n'es pas sur le beat, qu'est-ce que tu fais? Ailleurs dans les palmarès. C'était raté, ça? Hein? Mais t'étais pas sur le beat! Wow! On dirait que je m'attendais pas à ça! T'allais vite! Moi? On dirait que t'avais hâte de finir! Ailleurs dans les palmarès! Je pense que c'est un indice qu'on devrait arrêter de la chanter deux fois par chronique. Tu comprends pas? Ben écoute, je sais pas. Je trouve que c'était long avant que tu comprennes le message. Donc, on vient d'entendre, c'est ça. C'est la seule pièce qu'on n'avait pas mentionnée dans le top 5, donc la position numéro 4. Yasmin Hamdan dans le top 5 musique du monde. La pièce, c'est Kalas, bonus track, sur l'album Yanas Extended Version. Et vous pouvez écouter le top 5 musique du monde au complet dans l'émission Brancher le monde avec David Ferron. C'est dimanche à 17h pour le reste de la session d'hiver. Voilà. Salut David. Salut! On est de retour dans notre top 30, notre top 40. Voyons donc, top 20 francophone, top 20 anglophone. Je sais pas, ça fait super longtemps que c'est top 40, là, mais ça a pas changé. Est-ce que ça a déjà été notre top 30? Oui, ça a déjà, oui. En fait, il y a déjà eu un top 15 franco et un top. Je crois que c'était 15 franco, 20 anglo, ou quelque chose comme ça, ou 10 franco, 15 anglo, quelque chose du genre. En tout cas, ça donne pas 30 pareil. Non, genre. Donc, deux top 20, francophones et anglophones. On est rendu aux deuxième place. En anglo, c'est The Pack 80 et Airborne qui est stable. Alors que du côté francophone, on s'en va entendre l'ancien numéro 1, c'est sa 9e semaine. Et c'est Squelette de bois de Jacques Mort. C'est plus Jacques Mourant, mettons. Okay. Parce que ça va mourir, mais il est pas mort encore. Penses-tu? Ben, il est encore numéro 2. Ouais. Mais numéro 2, c'est pas numéro 1. C'est juste la première place des losers. Non, c'est pas vrai, je pense pas ça du tout. Je pense vraiment pas ça, c'est une blague. C'est pas mal assez fou, je pense pas ça. Ouais, on est tous des losers à quelque part. Mais ça. Bobby! Gifou dans tes oreilles. 89.1. Deux. Katie Airborne, stable en deuxième position anglophone. Et de côté francophone, c'est lancé numéro 1, c'est Squelette de bois de Jacques Maure. Ouais, j'ai fait des jeux de mots sur elle et là, je vais devoir faire des jeux de mots sur autre chose parce qu'on a un nouveau numéro 1 francophone. Par contre, du côté anglophone, c'est, et ça va peut-être te surprendre, tu sais, c'est puis. Puis, comment elle va ça? Puis, tu sais, puis c'est la même que la semaine passée. Pipi, pipi, pipi, pipi. Ouais, on dirait que c'est comme le jour de marmotte, c'est deux fois le même jeu de mots. Et je pense même qu'elle avait déjà été numéro 1 il y a quelques semaines et j'avais fait le même jeu de mots ou la même référence au jour de la marmotte. Fort probablement. Tout le temps pareil, sauf qu'à la place d'être un jour de la marmotte, c'est un jour du... La tarte au pécan! La tarte au pécan! Pecan Day! Non, c'est Pagan Day! Non, mais imagine, à tous les jours, c'est la même journée, puis on te sert une tarte au pécan. Tellement! C'est comme un calendrier de l'Avent perpétuel à la place du chocolat, tu mets une pacane dedans. Wow! Puis t'engraisses pas, c'est la même journée. C'est vrai. Tu reviens au compteur d'avant. Ben, est-ce que je peux passer le compteur dans le temps où j'étais un petit peu plus svelte? Parce que si je le pars là, je me trouve mais un petit non, peu... Mais non, ça compte pas. Ça compte pas, hein. D'accord. Laisse faire, bah, moi je pensais que yes, we pecan, mais we pecan pas tout le temps. Du côté franco, ben c'est ça, je me rappelle déjà plus des jeux de mots que j'avais fait la semaine passée par rapport à Jacques Mort. Il était tellement mauvais de toute façon. Et là, de toute façon, il faut que je renouvelle mon stock de jeux de mots. Mais c'est ça, je sais que mes jeux de mots, des fois, plaisent pas à tout le monde. Il y en a même que ça les fâche, mes jeux de mots poches. Ils ont la mèche courte, je trouve. Ah, moi aussi, ça me donne le goût de frapper. Ouais. Ou la mèche courte, ça pourrait être aussi, tu sais, quand je me suis fait couper les cheveux, tu sais. Ouais, mais pourquoi tu parles de mèche courte? C'est le nom de l'album de Charlie Foxtrot. Ah, ben oui! Ben oui, ça paraît pas, mais c'est ça pareil. Ben oui, mais si tu veux te donner un titre de tune qui ressemble à ce point-là au titre de l'album. La pièce s'appelle La Mèche Courte, puis ils ont barré mèche pour mettre la mémoire. Pour vrai, c'est ça le but de leur. Ça me perturbe. Je sais, c'est bizarre. Mais c'est parce que moi, c'est pas barré sur ma feuille. Ouais. Mais si tu vas voir sur Internet, si tu vas sur Charlie Fox, Firefox Trot. Firefox Trot. C'est un jeu de mots de geek avec Charlie Fox Trot puis Firefox. Wow. C'est incroyable. Il fallait trouver ce jeu de mots-là. Si je ne voulais pas expliquer, si je ne voulais pas entourer Charlie dans le petit livre. C'est le petit livre de Où est Charlie? Charlie Fox Trot. Mais où se cache? Charlie. Sur la bande dessinée. Non, juste Charlie. OK. Bon, ben, laisse faire. Je te laisse expliquer les jeux de mots que je viens de faire. Ben, c'est quand même simple cette semaine. Ben on oui. S'en va du côté anglophone. Et c'est Pagan Day avec... Deux, ouais. Wow! C'est Pagan Day de Pai Pai. Aussi belle que moi, toi. Tiré de l'album Pagan Day. C'est les tartes aux pacanes qui me perturbent. Vraiment. Mais on commence le bloc, bien entendu, du côté francophone. Ça monte de deux places. C'est seulement sa quatrième semaine. Ça top le top. Bravo! Et c'est La Mémoire Courte de Charlie Foxtrot. On peut m'arrêter. Sans penser. Les gens réclament. Sans penser. Première position. numéro 1 de chaque côté. On vient d'entendre Pai Pai et Pagan Day Stable en première place anglophone. Et du côté francophone, c'était La Mémoire courte de Charlie Foxtrot. Ah, il nous reste encore une petite dizaine de minutes à l'émission et je t'ai pas demandé à l'avance, donc dis-moi, parmi ce qu'on a sauté, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Stéphanie Paradis, toi, ton goût personnel légendaire? Parmi ce qu'on a sauté, ben c'est sûr qu'il y a Gramercy Riffs, parce que c'est moi qui l'a trouvé. Un vrai baladeur. Ça fait seulement 5 semaines, ça commence à descendre pas mal, je te dirais baladeur. OK, ben je pense qu'on a le temps pour entendre les deux. Donc commençons par Gramercy Riffs tout de suite. Ah, tu me gâtes? Ah, je suis-tu fin avec toi? Donc Gramercy Riffs est en position numéro 11, ça descend de 2 places, les voici, Desire Trails sur Cifu. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Une pièce qu'on avait sauté précédemment, c'est-à-dire celle de... Balladeur qu'on a écouté, Pretty Face. C'est bien ça? C'est bien ça. 17e position, 17e position anglophone. Ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Comme ça, à brûle pour point, sans trop savoir. C'est déjà terminé, on s'en est même pas rendu compte. Hein? Pas en tout. On va être de retour la semaine prochaine, jeudi entre 15h et 18h pour les palmarès C'est fou. Après nous, malheureusement, le jeudi, il n'y a pas d'allez-vous ouvert aujourd'hui. Ça va être le 13e étage à 19h. On passe le vendredi à 17h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Panka. Et finalement, dimanche, à partir de midi, restez là pour Rejoindre-moi ta ville, les branches du monde. Ça commence à 16h, cifou.ca, assemblagehockey.com. Merci, Steph. Merci, Mathieu. On s'en va-tu s'acheter un four à raclette? Un four à raclette? Ça, je mangerais de la raclette. OK. Il y en a qui veulent fourrer, il y en a qui veulent fourrer la raclette. Moi, c'est ça. D'autres qui veulent racler. Vous comprenez le jeu de mots. À la semaine prochaine. Bye.